Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. J'appelle parce qu'on m'a lu l'annonce pour les lunettes. Ah oui, mais les lunettes, ils ont été retrouvées. Oh, ben non, c'est pas possible. C'est pour les vôtres, alors? Ben si, moi je les ai perdues à la fête du cidre. Oui, mais il y en a d'autres qui en avaient perdu aussi. Oh, ben non. Cette femme-là les a bien reconnues pour les siennes. Mais c'était pas... Mais c'est pas possible, c'est les miennes. Mais vous savez que c'est les vôtres? Ben parce que je les ai perdues. Eh oui, mais elle aussi. Mais non, elle ment. Oui, mais vous étiez à la même table? Ben oui, c'est une grande dame, là. Oh non, c'est Madame Vincent. Ben oui, c'est Madame Vincent, oui, mais je la connais bien. Elle vous a donné une preuve que c'était ses lunettes? Elle a téléphoné le lendemain qu'elle avait perdu ses lunettes. Bah oui, bah enfin bon, ça c'est facile aussi, hein. C'est un peu une voleuse quand même, hein. Oh, bah ça. Ah bah oui, enfin, vous la connaissez pas. Oh bah si, je la connais quand même. Ah, bah attendez, on sait qu'elle... Parce que vous êtes du même coin? Vous êtes de la police? Non. Moi non plus. Alors, vous aussi vous êtes une menteuse, vous êtes complice. Ah mais je suis pas une menteuse, Vous avez revendu mes lunettes. Vous êtes fait du black et vous avez voulu pas me les rendre. Ah bah non, on les a redonnés le lendemain. Bah oui, je suis sûr que vous les avez vendues. Ah bah ça, on n'a pas revendu les lunettes. On les a redonnés à la personne qui les a réclamées. Voleuse et menteuse en plus. Quand même incroyable. Comment je fais moi maintenant? Je vais demander à Madame Lainé qui a vendu les cartes à Madame Vincent. Ah, Madame Lainé. Ah bah tiens, alors celle-là aussi. Alors. Qu'est-ce qu'elle a? Bah rien. Mais c'est elle qui avait vendu les cartes à Madame Vincent. Et à moi aussi. Et je peux savoir votre nom? Monsieur, alors je m'appelle Bernard. Oui. De la Teuche. T-E, vous notez? U-C-H. De la Teuche. Comme chat en verlan. Non mais T-E-U-C-H, non? Oui, si, bien sûr, de la Teuche. Comme de la Teuche. Attends, il y a un L? Il n'y a pas de L, non, il y a un H. Bah T-E-U. Eh ben quoi, C-H? C-H? C'est tout. Bah c'est, ça ne fait pas de la Teuche? Bah si, Bernard de la Teuche. T-E-U-C-H, ça fait de la Teuche. CH, c'est tout. Ça doit finir par autre chose, quand même. De la Teuche. Prenez chat, vous l'inversez, ça fait Teuche. De la Teuche. Eh ben, ça doit être T-E-U-L-A. Mais je sais comment je m'appelle. Bah. De la Teuche. Bah oui, mais vous me dites T-E-U-C-H. Bah, et c'est ça, il n'y a pas de E à la fin. De la Teuche. Teuche. De la Teuche, je ne sais pas. Oui. Teuche, pas Teuche. Bon, je vous laisse, je vous rappellerai. Et vous avez un numéro de téléphone? Oui, j'en ai un. Bon, je vous rappellerai, d'accord? Oui, mais... Bonne journée, madame. Je vais lui demander si vous étiez à sa table. Voilà. Parce que... Donc, lui demandez bien, Bernard, de la... De la Teuche. De la Teuche! D'accord? Oui, de quand? Vers midi et demi, d'accord? Notez bien, Bernard, de la... Bernard, de la Teuche, vous m'avez dit. De la Teuche! De quand? Mais alors... Je suis désolé. Je suis désolé, madame. Mais c'est très désagréable de se faire écorcher son nom. Bon, allez, rappel deux secondes, j'ai oublié un truc. Allô? Allô, oui, excusez-moi, c'est encore moi. Oui. Vous avez bien noté, hein? Bah, j'ai marqué de la Teuche. De la Teuche! De la Teuche! Bah, oui, mais que voulez-vous? Moi, je peux pas vous donner des lunettes si c'est celle de la femme. Je vais demander si vous étiez à la table. Si qui est à la table? Ben, bah, alors de la Teuche que vous me dites. De la Teuche, nom de Dieu, de la Teuche, je m'appelle. Ouais, mais je crois pas que vous ayez vendu de cartes. Hein. Bah, c'était à cette table-là qu'il était, à sa table. Elle. Ah ben, bah, vous avez peut-être raison, alors peut-être que je faisais autre chose, alors. Ah bon. Ben, ça, moi, je... Ben, bah, je sais, oui. Bon, ben, bah, je vous remercie en tout cas, hein. Bon, au revoir, dites au revoir, monsieur de la Teuche. Oui, au revoir, monsieur de la Teuche, oui. De la Teuche. Allez, au revoir, madame. De la Teuche, mais il me dit même pas son nom d'écriture. Oh, c'est pas vrai que je vous dise, moi, que je vous dise.